merci d'abord de me donner la possibilité de dire quelques mots là-dessus. Je vais simplement essayer d'apporter un témoignage à partir de ma propre expérience, mais aussi à partir d'autres exemples que j'ai pu côtoyer de près, pour essayer de voilà, apporter simplement un témoignage de ce qu'est devenu l'entrée dans la carrière d'enseignant-chercheur. Alors en deux mots, pour présenter mon parcours, j'ai soutenu une thèse il y a maintenant quasiment 3 ans en sociologie. Ça veut dire que j'ai fait 3 campagnes de recrutement pendant 3 ans et puis j'ai eu la chance tout récemment d'être recruté en tant que maître de conférence. J'ai commencé en septembre dernier. Et entre-temps, pendant ces 3 ans, j'ai eu aussi la chance d'enchaîner 2 contrats. Un premier contrat de recherche pendant 1 an qui était financé par une région, donc c'était pas l'ANR, mais c'était quasiment l'équivalent, financé par une région et puis le contrat était via une université. Et puis un second contrat aussi, je pense que c'est important d'en dire quelque chose, un contrat d'enseignant pendant cette fois 11 mois, c'était l'équivalent de maître de conférence. J'avais un service de maître de conférence, voire même plus d'heures, parce qu'il y avait des heures complémentaires. Et à la suite de quoi, donc avec des périodes de chômage entre ces contrats, et puis ce recrutement depuis septembre dernier. Tout d'abord, il y a un certain paradoxe, alors je suis content qu'il y ait quelqu'un qui soit encore dans la situation, un certain paradoxe à ce que ce soit moi qui en parle, parce qu'aujourd'hui j'ai été recruté, parce que ma période de précarité, 3 ans, quand on regarde ce qui se passe autour, c'est relativement court, et que moi, les conditions dans lesquelles ça s'est plutôt bien passé. Les contrats se sont bien enchaînés, c'était des contrats d'un an, donc c'est une période relativement, quand j'entends parler de contrats de 3 ans, ça a l'air d'être un peu idyllique. Moi, les relations avec les responsables de ces contrats-là se sont bien passées. Et donc du coup, ça dit aussi des choses sur les difficultés à témoigner de ces situations-là quand on est encore en situation et qu'on n'a pas été recruté. Tu l'as dit, Sophie, c'est l'offre de postes d'enseignement supérieur à la recherche qui se réduit énormément. Et donc, du coup, c'est la période d'entrée dans la carrière qui s'allonge, cette espèce de période intermédiaire entre la soutenance de thèse et puis le recrutement en tant que titulaire, qui s'effectue dans des conditions de précarité avec une multiplication de contrats. Et comme tu dis, l'appellation post-doc, alors tous les candidats la mettent sur leur CV parce que ça fait bien, ça a une valeur symbolique, mais c'est aussi un cache-misère. Un post-doc, c'est un contrat de recherche précaire pour quelqu'un qui a un doctorat. Ça, c'est pas autre chose que de la précarité. Peut-être première chose, qu'est-ce qui pourrait finalement justifier cette période intermédiaire, ce sas entre la soutenance de thèse et puis le poste de titulaire? Est-ce qu'entre guillemets, il y a des choses qui pourraient le justifier? Alors, la première justification, c'est qu'on manque encore d'expérience, on a encore peu d'expérience, on est entre guillemets en période de rodage. Donc, ça pourrait justifier qu'on soit encore dans des statuts particuliers. Et en même temps, quand on regarde les tâches qu'accomplissent les gens qui sont dans ce type de contrat-là, on s'aperçoit qu'ils en ont fait exactement, quand on est dans ce type de contrat, les mêmes tâches qu'un chercheur ou un enseignant-chercheur. On effectue véritablement les mêmes tâches. Moi, l'an dernier, j'étais sur un contrat d'enseignant. Je faisais exactement la même chose que je fais aujourd'hui en tant que maître de conf. Et puis, lorsqu'on est sur un contrat de recherche, on fait aussi de la recherche au même titre qu'un chercheur. J'ai même entendu, lorsque j'ai candidaté à d'autres post-docs pour lesquels je n'ai pas été retenu, les personnes qui faisaient le recrutement disaient « Nous, on veut quelqu'un qui soit autonome parce qu'on n'a pas le temps de s'investir au quotidien dans la recherche, donc c'est vraiment vous qui allez mener la recherche. » Donc, ils voulaient recruter des chercheurs accomplis, mais sur des contrats précaires. Puis la deuxième justification, on pourrait se dire, finalement c'est un phénomène transitoire. Mais le problème c'est que la transition elle s'allonge de plus en plus, la transition elle devient la norme. Et puis je pense aussi que parler de transition c'est oublier qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'obtiendront jamais de poste de titulaire, qui sortent du circuit, qui sont découragées, et pourtant qui pendant un certain temps ont participé aussi à la production de la recherche, ont participé à l'enseignement. Il y a certains départements où en première année, l'ensemble des départements universitaires où les contractuels assurent une majorité des travaux dirigés, si ce n'est la quasi-totalité des travaux dirigés. Donc ça devient plutôt la norme. Alors ça devient la norme parce que je pense que ça a déjà été fait dans l'intervention précédente. Il faut faire un lien entre le développement de la recherche sur contrat et la montée de la précarisation. Je pense qu'il y a un décalage entre deux logiques. La logique du responsable du contrat, alors visiblement c'est pas votre cas, mais j'ai un peu l'impression que vous êtes l'exception, parce que la logique c'est quand même de Il y a aussi une nécessité de rendre des comptes, donc on va maximiser le budget. Et puis de l'autre côté, la logique de la personne qui occupe ce type de contrat et qui, elle, est dans une stratégie de recrutement et doit pouvoir décrocher un poste. Alors, ces deux logiques-là, c'est pas évident de les accorder. Quand on a de la chance, on enchaîne les contrats. Un an, c'est bien. Souvent, les contrats, c'est 9 mois, 6 mois. Moi, j'ai postulé pour des contrats de recherche où c'était 3-4 mois. Donc, on est obligé de zapper d'un sujet à un autre. Moi, j'ai changé de sujet depuis ma thèse en postdoc. Ça veut dire que un an pour mener une nouvelle recherche sur un nouveau terrain, publié dans ce laps de temps d'un an, valoriser la recherche, je ne sais pas comment c'est possible. Enfin, 9 mois, un an, ça me semble assez difficile. Et puis au-delà, on passe aussi son temps à rechercher de nouveaux financements parce qu'on sait que notre contrat va s'arrêter dans les 3 mois ou dans les 6 mois à venir. Donc on passe son temps à faire des candidatures. De plus en plus, la concurrence est grandissante. Donc les recruteurs en face demandent des projets de recherche. Alors c'est des mini-projets de recherche pour décrocher un contrat de 9 mois. Moi j'ai fait, voilà, on demandait 5-6 pages. C'est pas énorme, mais pour un contrat de postdoc de 9 mois parce qu'il y avait de la concurrence. Ensuite, on fait passer des auditions aussi maintenant de plus en plus pour ce type de contrat. Et puis, à côté de ça, il faut aussi valoriser ses recherches précédentes, valoriser sa recherche doctorale, publier, étoffer son expérience d'enseignant, etc. Et puis, si on candidate au CNRS, il faut aussi faire un projet CNRS, ce qui prend un peu de temps. Et donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, on n'est pas à fond, on n'est pas à temps plein sur la recherche pour laquelle on a été recruté, sur le contrat pour lequel on est rémunéré. Et donc du coup, ça pose des problèmes de logique, à la fois une culpabilité de la personne qui est en poste, et puis de l'autre côté, une pression aussi de la part du responsable du contrat. Parce que dans la majorité des cas, ces responsables ont un budget limité. Ils doivent fournir des rendus, des rapports intermédiaires. Bien souvent, les personnes en précarité sont les seules à temps plein sur les contrats. Donc c'est finalement, on s'aperçoit, ce sont ces personnes-là qui font les recherches et font tourner le contrat au quotidien, alors qu'elles ne sont pas forcément disponibles à temps plein. Il y a des exemples, alors moi ça c'est pas produit, mais des exemples où en pleine période de recrutement et d'audition de maîtres de conférences et au CNRS, une réunion collective est organisée où on demande au postdoc d'être présent alors qu'on sait éperdument que ce jour-là, il a une audition pour un poste de maître de conférences et on s'étonne qu'il ne soit pas là et on lui met la pression. Ça semble un peu étonnant, mais c'est des choses qui se sont produites. Et qui continue à se produire. Et puis, la question, ça a déjà été évoqué, la question de la propriété des recherches. Alors, ça se pose peut-être différemment pour les sciences sociales par rapport aux autres disciplines. On a beaucoup moins de traditions de publications collectives et se pose la question de la propriété des données qui ont été collectées, des données qui ont été construites pendant la recherche, que le précaire cherche à valoriser pour son propre dossier, mais qui lui appartiennent aussi au projet collectif. Alors, je crois qu'il ne s'agit pas d'opposer titulaire et précaire, parce que si je me rends compte qu'en ayant basculé de l'autre côté, ce n'est pas évident. Et je n'ai pas du tout envie de devenir non plus un chef d'entreprise. Et n'empêche qu'on est, je pense, assez vite conduit et poussé dans ce genre de situation et de position. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont à la recherche de financement et on se dit, bah oui, peut-être que nous, on peut contribuer, on peut les aider à joindre les deux bouts et à attendre éventuellement un poste. Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'action. Action politique, action syndicale. Et puis après, au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est plutôt ce genre de... Moi, si un jour, je deviens, entre guillemets, ce chef d'entreprise, ce manager de la recherche, finalement, qui gère la précarité au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les choses les moins pénibles pour tout le monde? Je crois que déjà, ce que vous avez dit, c'est que la personne est individuellement responsable. Et je crois qu'il faudrait arriver aussi à modifier ça, c'est-à-dire qu'il y ait une sorte de responsabilité collective par les laboratoires et qu'il n'y ait pas un face-à-face entre le précaire et le responsable du contrat, parce que dans ces relations individuelles, ce n'est pas toujours évident, et que s'il y avait une gestion collective de ce type de contrat-là, ça serait peut-être une piste et ça serait plus simple. Et puis, c'est de mettre un certain nombre de règles et d'essayer de définir des règles collectives, des sortes de normes pour éviter de faire n'importe quoi. on s'aperçoit de plus en plus qu'on recrute des gens surqualifiés et sous-rémunérés, c'est-à-dire qu'on veut, on veut maximiser le budget. Donc on recrute un docteur, mais sur un statut d'ingénieur de recherche. C'est des choses qui se produisent. Les annonces aussi qui sont publiées, elles sont souvent fantaisistes. Quand on parle à des amis qui travaillent dans le privé et qu'on leur explique les choses, ils hallucinent en se disant « mais comment c'est possible ?» On publie des annonces de contrats sans mettre la durée du contrat, sans mettre la rémunération. Voilà. Et puis on découvre les choses, on annonce quelque chose au début, une rémunération pour un an, et puis lorsqu'on va signer le contrat, bah non, le budget est finalement plus réduit par rapport à ce que le responsable pensait, espérait. Et donc du coup, on propose une rémunération moindre ou une durée moindre. Donc là, c'est toutes des choses aussi qui se produisent et sur lesquelles je pense qu'il faut être vigilant, parce qu'en face, on gère des gens, hein, comme vous l'avez dit. Donc tout ça aussi, je pense que collectivement, on devrait faire l'objet d'une réflexion. Et puis souvent aussi, c'est plus vrai pour les contrats d'enseignants, moi ça a été le cas. C'est-à-dire, j'ai été recruté sur un poste de maître de conf l'an dernier et on m'a demandé, enfin j'ai été recruté une semaine avant la rentrée, et on m'a demandé, voilà, je vais la semaine d'après monter 3 cours d'amphi. Ça aussi, anticiper les choses, je pense qu'il y a un minimum de... Ça devrait être un minimum possible pour éviter ce genre de situation. C'est le cas aussi, pour la recherche, où l'échéance des budgets devant être écoulés, on recrute en catastrophe les gens. Donc voilà, comment essayer de à la fois participer au cercle vicieux, tout en, comme vous dites, essayer de résister au système.